s'était fait la promesse de ne pas vivre comme tout le monde, car ivre d'être libre, le rêve était notre faiblesse. Mais la vie nous blesse, sans cesse se joue de nous. Il a suffi d'une seconde pour que tout cesse. Reste une profonde tristesse et un zeste de honte. Moi j'ai quitté la ronde, j'ai déserté ce monde, écœuré des cartes que la vie m'a donné. Je ne veux pas vivre à quatre pattes, encore moins enchaîné, comme je n'aurais pas le droit à un cadeau. J'ai laissé le troupeau et les inquiets. Le gros du paquet reste sur le quai, garde leur air crispé parmi les badauds. Ils regardent les bateaux partir, moi je suis sur le pont du navire. Je regarde les gens rétrécir, leurs mouchoirs blancs ne pourront pas me retenir. Je pars d'ici la valise vide, la tête pleine de souvenirs. Je quitte mon rivage et ses visages pour poser des noms sur d'autres paysages. Je m'en vais conquérir d'autres terres, rencontrer d'autres frères, vivre d'autres fêtes, d'autres victoires, d'autres défaites. Découvrir enfin de quoi la vie est faite. J'apprendrai les fables et les contes, je ne ferai plus les comptes, j'oublierai les comptes. Donc ne m'attends pas, on se dit au revoir, mais ne m'oublie pas, je reviendrai te voir. Et quand reviendra la force d'y croire, ne faiblis pas, je retiendrai l'espoir. Ne m'attends pas, on se dit au revoir, mais ne m'oublie pas, je reviendrai te voir. Et même si je pars, ne t'en fais pas, je raconterai mon histoire au creux de tes bras. Chaque jour on se force sur l'écorce de notre terre, chaque jour les choses se corsent et deviennent plus amères. Même si je pars loin, garde un coin pour moi. Au retour j'aurai les bras pleins de cadeaux pour toi, des trésors plein les mains et de la vie plein les doigts. Le cœur rempli d'or, le regard plein d'espoir, à glander sans y croire, chaque seconde est perdue. Je vais remplir ma mémoire, je te raconterai ce que j'ai vu. Et l'eau coule sous les ponts et le monde tourne en rond, et avec l'air du temps tu te fais du mouron. Moi j'ai l'air du con, je prends mon baluchon et je vais faire le tour de l'horizon. J'ai choisi d'effacer les nations, les frontières, les noms sur les papiers, les prisons, les barrières. Au port y'avait un bateau, j'avais oublié mon passeport et sans sac à dos. Je suis monté à bord, j'ai trop attendu dans mes songes ce qu'on aurait vécu. Je pars à l'aventure, je plonge sans peur d'être déçu. Je trouverai peut-être pas ce que je cherche, c'est dur bien entendu, mais je pars à la recherche du temps perdu. Ne m'attends pas, on se dit au revoir, mais ne m'oublie pas, je reviendrai te voir. Et quand reviendra la force d'y croire, ne faiblis pas, je retiendrai l'espoir. Ne m'attends pas, on se dit au revoir, mais ne m'oublie pas, je reviendrai te voir. Et même si je pars, ne t'en fais pas, je raconterai mon histoire au creux de tes bras.